بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله تبارك وتعالى يدي dans son livre يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم Ô gens du livre, pourquoi est-ce que vous vous disputez concernant Ibrahim? Pourquoi vous disputez-vous concernant Ibrahim? وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون. Alors que la Torah et l'Évangile n'ont été descendus, n'ont été révélés qu'après lui, qu'après Ibrahim. Et donc Allah تبارك وتعالى في هذه الآية يرد على اليهود والنصارى. Allah dans ce verset il réplique aux juifs et aux chrétiens. Et donc Allah dans ce verset il réplique aux juifs et aux chrétiens. لأن النصارى يزعمون أن إبراهيم منهم واليهود كذلك يزعمون أن إبراهيم منهم. Les chrétiens ils prétendent que Ibrahim fait partie des leurs. Il est chrétien. Et les juifs prétendent que Ibrahim est juif. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala radda alayhim. Il a répliqué à leurs prétentions. Wa radda alayhim tabaraka wa ta'ala bi bayani amrin tarihi. Allah tabaraka wa ta'ala, comment il a répliqué sur eux? Il a montré donc ici un sujet qui est lié à l'histoire. Il a montré que Ibrahim alayhi salam, il est venu avant vos livres, avant la Torah et avant l'Évangile. Comment pouvez-vous prétendre que Ibrahim est de votre religion? Alors qu'il est venu avant vos livres, il est venu avant vous. Et donc vous ne pouvez pas prétendre cela, un. Et vous ne pouvez pas parler de ce que vous ne connaissez pas, deux. Et donc il a utilisé tabaraka wa ta'ala l'histoire ici pour répliquer à l'ambiguïté des juifs et des chrétiens. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ مَعْرِفَةَ التَّارِيخِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تُعِينُ الْمَرْءَ عَلَى الرَّدِّ عَلَى الشُّبُهَاتِ وَعَلَى تَقْوِيَةِ إِيمَانِهِ. Et on peut tirer comme leçon de ce verset que la connaissance de l'histoire fait partie des éléments qui vont aider l'individu à répliquer aux ambiguïtés. Et aussi les éléments qui vont permettre à l'individu de renforcer sa foi et de la raffermir. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ حَالَ الْأَنْبِيَا فِي كِتَابِهِ. Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى dans son livre, il a cité la situation de certains prophètes. Et ensuite il dit وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Et certes, toutes les histoires des prophètes que nous te racontons, que nous te citons, est afin de raffermir ton cœur. Afin de raffermir ton cœur. Fais le mu'min. حينما يعرف ما حصل في الأمم السابقة. حينما يعرف ما أصاب الأنبياء والصالحين من قبلنا. ذلك يقوي إيمانه. Le croyant, lorsqu'il sait les épreuves qui ont touché les prophètes et les pieux avant nous, cela renforce notre foi. On sait que ce qui nous arrive n'est pas nouveau. Des gens ont connu cela avant nous et ils ont patienté, ils ont enduré. Alors nous aussi, on doit les suivre, on doit endurer. Et donc le fait de connaître l'histoire, c'est important. C'est important, ce n'est pas un sujet à délaisser. وكذلك المؤمن يستفيد من الأخطاء التي قام بها الأمم السابقة. Et aussi le musulman, le croyant, il profite des erreurs qui ont été accomplies par les peuples précédents. Il va donc s'éloigner de ces erreurs. Il va les délaisser. Et donc on revient encore une fois sur l'importance de l'histoire. فعلينا أيها الإخوة أن نتعلم ما حصل في الأمم السابقة وكذلك علينا أن نتعلم ما حصل في هذه الأمة من الفتن والمحن لتقوية إيماننا ولنحذر من الأخطاء التي وقع فيها الناس. Et donc il est convenable qu'on apprenne, qu'on connaisse ce qui s'est passé avec les communautés précédentes, mais aussi qu'on apprenne, qu'on connaisse ce qui s'est passé dans notre communauté, la communauté musulmane, comme troubles et épreuves qui ont touché notre communauté, afin qu'on puisse apprendre à nous préserver, à ne pas tomber dans les mêmes erreurs qui ont été déjà accomplies dans le passé. Aujourd'hui, on a choisi la fitna de Al-Waqifa. Wa comme la fitna de Al-Waqifa, j'ai fitna de khalq al-Qur'an. Avant la fitna de Al-Waqifa, qu'on va expliquer, il y a eu la fitna de khalq al-Qur'an, ceux qui disaient que le Qur'an a été créé. Et certes, beaucoup ont entendu parler de cette fitna qui a fait énormément de désordre dans la communauté musulmane. Beaucoup ont été éprouvés, certains sont morts. L'imam Ahmed rahimahullah, qui a souffert durant cette fitna, emprisonné, fouetté, car il ne voulait pas suivre la voie de Al-Mu'tazila, le fait de dire que le Coran a été créé. Les savants de la Sunna ont répliqué aux ambiguïtés de cette secte et ont montré que la parole d'Allah, que le Coran est la parole d'Allah, et que la parole d'Allah fait partie de ses attributs, et qu'aucun attribut du Créateur n'a été créé. Juste après celle-ci, il y a eu Al-Waqifa. Ce sont ceux qui disaient « Al-Qur'anu kalamullah, thumma yaqifoun ». Ils disaient « Le Qur'an est la parole d'Allah ». Et ensuite, ils s'abstenaient. Ils ne disaient pas « Le Qur'an a été créé » et ils ne disaient pas non plus « Le Qur'an n'est pas créé ». Il disait le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala Muhammad ibn al-Hussein al-Ajuri fi kitabihi al-Sharia wa amma alladhina qalu al-Quran kalamullah wa waqafu wa qalu la naqulu ghayru makhluq fa ha'ula'i 'inda kathirin min al-ulama mimman radda 'ala man qala bi khalq al-Quran. قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر لأنهم شكوا في دينهم ونعوذ بالله من ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الله أنه غير مخلوق انتهى. Et donc Al-Ajuri il dit dans son livre Al-Sharia, Al-Ajuri qui est mort en l'an 360 de l'Hégire, il dit: en ce qui concerne ceux qui ont dit que le Coran est la parole d'Allah, puis se sont abstenus. Et donc, ils ont dit, nous ne disons pas qu'il n'est pas créé. Ahlus Sunnah, ils disaient, le Coran est la parole d'Allah, il n'a pas été créé. Le Coran est la parole d'Allah, il n'a pas été créé. Pour répliquer au Mu'tazila. Et Al-Waqifa, ils disaient, le Coran est la parole d'Allah. Et ils s'abstenaient. On ne continue pas. Ils disent, on ne dit pas qu'il n'a pas été créé. Et donc, il dit l'Ajuri, il dit, et donc ces gens-là, chez beaucoup des ulémas, beaucoup des savants, qui ont répliqué à ceux qui disaient que le Coran a été créé, ils disaient que ces gens-là, ce sont Al-Waqifa. Et qu'ils sont comme ceux qui disent que le Coran a été créé, et ils sont pires qu'eux. Car ceux-ci ont douté dans leur religion. Wa na'udhu billah. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre ceux qui doutent de la parole d'Allah, qui doutent de la parole d'Allah et du fait que celle-ci n'est pas créée. Fin de citation. Et donc, ô chers frères, il y a dans cette parole plusieurs points à aborder. Vraiment, plusieurs points à aborder. On ne va pas tous les aborder ici aujourd'hui. Parce qu'on n'aura pas le temps. Mais parmi les points qu'on pourra aborder, déjà, premièrement, il y a le fait qu'ils nous disent que ces gens-là ont douté dans leur religion. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. » Certes, les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté. Le doute est fortement blâmable dans notre religion. D'où l'importance, ô chers frères, d'apprendre la aqida authentique. Afin que tu n'aies pas de doute lorsqu'il y a une fitna qui arrive. Afin que tu ne doutes pas à chaque fois que quelqu'un vient à toi avec une ambiguïté. Et donc il est important qu'on apprenne notre religion et qu'on ne soit pas faible. Comme on l'a cité hier dans Sunan Abi Daoud, que Yazid ibn Amira, il dit, Kala Mu'ad, ou du moins il dit concernant Mu'ad, excusez-moi, Kana la yajlisu majlisan, li dhikri hina yajlis illa kala, Allahu hakamun adl, halakal murtabun. Il dit, Mu'ad ibn Jabal, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'asseyait dans aucune assise pour faire le rappel, sans dire, certes, Allah juge en toute justice. Ceux qui sont dans le doute sont dans la perdition. À chaque fois qu'il avait une assise où il y avait le rappel d'Allah, il disait ça. Pour nous montrer la gravité quant au fait de douter, la gravité quant au fait d'être faible dans ta foi, dans ton manège, dans ta religion. Et donc il faut apprendre. Ah ben oui, il faut se lever 5h du matin, il y a cours. Alhamdoulilah, on prie Fajr avant. Donc normalement, on est réveillé. Parfois, c'est les cours l'après-midi. Il faut qu'on arrive à se rendre disponible pour apprendre notre religion. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des formations. Parfois, quand tu veux chercher un emploi, tu fais une formation, un emploi qui t'intéresse. Tu sens qu'il y a du rib, il y a de l'argent à se faire. Pendant la formation, tu ne laisses pas un mot passer. Pas un mot. On note tout. Par contre, Fiddin, c'est pas pareil. Par contre, pour apprendre notre manhaj, c'est pas pareil. On a du mal. Ah, je vais noter plus tard. De toute façon, il y aura l'enregistrement sur le site. Je vais prendre l'enregistrement après. Bon, vous avez vu la première série de cours qu'on a fait. J'ai mis presque 7 mois pour la mettre sur le site. Là, ça va un petit peu mieux. Mais on ne sait jamais. Il se peut que je sois occupé et que là, on prenne 2 ans pour mettre sur le site. Allahu a'lam. Et donc, le conseil que je vous donne, aux chers frères, faites tout votre possible pour apprendre votre croyance et ne pas faire partie des faibles. El mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al mu'min ad-da'if. Le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé d'Allah que celui qui est faible. Ici, c'est pas que la force physique, mais c'est la force dans son terme général. La personnalité, la croyance, la force physique aussi, la foi. Et donc, il est important, ô chers frères, qu'on cherche à renforcer notre foi, renforcer nos connaissances dans notre religion. Et aussi, il y a dans cette parole de l'Ajuri, rahimahullah, quand il nous dit, « Min al-ulama, mimman radda ala man qala bi khalq al-Qur'an. » Et donc, parmi les savants qui ont répliqué à ceux qui disaient que le Qur'an a été créé. Qu'est-ce qu'il y a en cela, barakallahu fikoum les frères ? Anna al-ulama, anna ahl al-haq, yaruddoun ala al-batil. Les savants, les gens de la vérité, ils répliquent au faux. On ne se tait pas. On ne se tait pas. Lorsqu'il y a eu la fitna de khalqul Qur'an, ceux qui disaient que le Qur'an a été créé, les savants ont répliqué. Lorsqu'il y a eu la fitna de l'Waqifa, tout de suite après, ils ont répliqué. Il n'y a pas eu ce « Ah non, encore des mises en garde, encore, on vient de finir une fitna là avec des mises en garde, et encore il y a une deuxième tout de suite après, que des mises en garde, mais ça fatigue, mais il n'y a plus personne ou quoi ?» Chaque année, ils vont nous la ressortir. À chaque fois qu'il y a une fitna, ils nous sortent la même parole. La même parole. Cheikh Rabbi, il nous dit « Regardez, regardez, dans des livres « Kutub al-Rijal » le nombre de personnes qui ont été critiquées à cause de cette fitna. Le nombre de personnes qui ont été critiquées à cause de cette fitna. Regardez. Et après ça, venez nous dire, ah ouais, non, mais c'est trop, etc. Trop de mise en garde. Les savants, ils répliquent au faux pour montrer aux gens la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَأْوِيلًا. Ils ne viennent à toi avec aucune ambiguïté. Le mathal ici, c'est une ambiguïté. Ils ne viennent à toi avec aucune ambiguïté sans que nous venions avec la vérité et une meilleure explication. Cheikh Rabi, il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il a répliqué à toutes les ambiguïtés des mouchriquines. Chaque fois qu'il venait avec une ambiguïté, Allah il répliquait dans son livre. À chaque fois. Et ça, c'est la voie que le croyant doit suivre. Lorsque les gens du faux viennent avec des ambiguïtés, le croyant doit répondre. Celui qui en a les capacités, bien sûr. Et donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui se lèvent pour montrer aux gens la vérité. Pour montrer aux gens la voie que nous devons suivre. Afin de les aider dans leur religion. Et ceci est une obligation. Akhraj al-Ajuri fi sharia an Abi Daoud annahu kol Samiatu Ahmad ibn Hanbal سئل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت. Al-Ajuri cite dans son livre Sharia, avec sa chaîne de transmission qui va jusqu'à Abu Daoud, l'imam Abu Daoud rahimahullah, qui dit: j'ai entendu Ahmed ibn Hanbal qui fut interrogé: est-ce que ces gens-là sont excusés? Est-ce qu'ils ont une excuse? C'est-à-dire une excuse valable. Lorsque l'individu dit le Coran est la parole d'Allah, puis il se tait. Le Coran est la parole d'Allah, puis il se tait. Fekal wali ma yaskut. L'imam Ahmed a répondu en disant: et pourquoi est-ce qu'il se tait? Pourquoi est-ce qu'il se tait? Walaula ma waqa'a fihi an-nas kana yas'uhu as-sukut. Walakin حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. Si les gens n'étaient pas tombés dans ce dans quoi ils sont tombés, ils auraient pu se taire s'il n'y avait pas eu de fitna. Avant, les gens, il n'y avait pas cette fitna, il n'y avait pas des gens qui disaient le Coran a été créé. Tu aurais très bien pu dire le Coran est la parole d'Allah et on s'arrête là. Mais là, après tout ce que les gens ont dit, pourquoi est-ce qu'il se tait? Là, tu ne peux plus te taire. Pourquoi? Parce que les autres, Al-Mu'tazila, eux aussi, ils te disent Al-Qur'an ou Kalamullah. Le Qur'an est la parole d'Allah. De la même façon que toi aussi, tu dis le Qur'an est la parole d'Allah. Sauf que Al-Mu'tazili, lorsqu'il te dit le Qur'an est la parole d'Allah, c'est comme lorsqu'il te dit Al-Naqa, Naqatullah. Al-Bayt, Baytullah. La maison d'Allah, Al-Kaaba. Abdullah, le serviteur d'Allah. Le serviteur d'Allah est créé. La Kaaba est créée. Etc, etc. Et donc lorsque lui, il te dit Al-Mu'tazil, lorsqu'il te dit Al-Qur'an, Kalamullah, voilà ce qu'il veut. Et donc toi, tu vas venir, tu vas dire Al-Qur'an, Kalamullah, le Qur'an est la parole d'Allah. L'imam Ahmed, il dit, pourquoi est-ce que tu ne dis pas derrière Ghayru makhlouq, le Qur'an n'est pas créé? Afin de fermer la porte aux Mu'tazila, afin de répliquer à leurs ambiguïtés. Ici encore, l'importance de répliquer et de ne pas se taire. Yajibu bayanul haqq linnas, li'anna hadha as-sukut yadurru an-nas, fala budda min al-bayan. Et donc il est obligatoire que on explique aux gens la vérité, et le fait de se taire fait du mal aux gens dans leur religion. Wa fi hadha raddun على الذين يقولون إذا جاءت فتنة لا تتكلموا اسكتوا. Il y a en cela une réplique à tous ceux qui nous disent à chaque fois qu'il y a une fitna: taisez-vous, taisez-vous, ne parlez pas, ne participez pas. À chaque fois qu'il y a une fitna et que les ulama montrent que la vérité est la voie à suivre et que certains prédicateurs vont se lever, vont traduire, vont montrer, on entend des soufahas, des juhal, des ignorants derrière. Ne parlez pas, ne faites pas, ne participez pas. Et à l'époque de l'imam Ahmed, ceux qui se taisaient, ils étaient blâmés. Ceux qui se taisaient, ils étaient blâmés et critiqués pour leur silence. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Subhanallah. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Celui qui va montrer aux gens la vérité, ah, faites taine, ils vont dire. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Imam Muslim, il cite dans son Sahih, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'y a eu aucun prophète avant moi sans qu'il ait eu le devoir de montrer à sa communauté les meilleures choses qu'il connaît les concernant, et sans qu'il ait comme devoir le fait de les avertir contre les pires choses qu'ils connaissent les concernant. Et donc, il est important de montrer aux gens les bonnes et les mauvaises choses, afin qu'ils fassent les bonnes choses et afin qu'ils s'éloignent des mauvaises choses. Pendant la fitna, j'ai entendu un ignorant de Marseille qui nous dit: non, mais les gens en France, ils ont besoin qu'on leur apprenne à faire les ablutions, ils ont besoin qu'on leur apprenne la base du tawhid, ils ont besoin qu'on leur apprenne à faire la salat, ils ont besoin qu'on leur apprenne la langue arabe. Il y a djahil. Les gens, ils ont besoin qu'on leur apprenne tout ce qu'on peut leur apprendre. Et plus que tu as cité, ils ont besoin qu'on leur apprenne l'héritage, ils ont besoin qu'on leur apprenne la zakat, ils ont besoin qu'on leur apprenne toute la religion. Et donc, arrêtez. Surtout dans une période de fitna. On fait quoi? On se tait? On laisse les gens tomber dans la fitna? On se tait, mais derrière le même qui fait ça, derrière, c'est lui qui va parler. C'est lui qui fait des séries d'audio après. Subhanallah. Et donc, il faut qu'on apprenne, barakallahu fikoum, qu'est-ce qu'il s'est passé durant les fitnas avant. Les fitnas qui ont touché la communauté musulmane. Qu'est-ce que les savants ont fait? Qu'est-ce que les salafs, qu'est-ce que les pieux prédécesseurs ont fait? Comment ils se sont comportés? Nous devons apprendre ça, afin de savoir comment réagir dans les fitnas qui nous touchent, nous. C'est très important. L'imam Muslim, il cite toujours dans son Sahih, selon Abi Sa'idin radiallahu an, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhaka ad'afu al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change de ses mains, s'il n'en a pas la capacité, alors avec sa langue, et s'il n'en a pas la capacité, alors avec son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Aujourd'hui, les gens, ils ont inversé. Non, c'est d'abord le silence avec le cœur. D'abord, c'est avec le cœur, c'est tout. Tu ne parles pas. Parce que si tu vas changer le mal avec ta langue, t'es un fait tel. Non. Et attention, même si les ulama, ils te disent de parler, même si les ulama, ils te disent: vas-y, bayyin linnas, unshur, propage, etc. Il y a des ignorants qui se croient plus savants que les savants et qui te disent: non, il ne faut pas. L'imam Rabi' hafidhahullah, il nous dit ici: malladhi yamna'u ha'ula'i an yatakallamu. Qu'est-ce qui empêche à ces gens de parler? Qu'est-ce qui leur empêche de dire Al-Qur'an ou kalamullah ghayr makhluq? Le Coran est la parole d'Allah et n'a pas été écrit. Qu'est-ce qui empêche cela? Si ce n'est une ambiguïté, un doute qu'ils ont. Surtout que c'était après la fitna. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne l'importance de propager la vérité et de répliquer au faux. Wa kadhalika fi hadhihi al-fitna anna as-sunni ينبغي له أن يكون واضحا ولا يتشبه بأهل الضلال. Il y a aussi dans cette fitna le fait que le sunni, celui qui s'affilie à la sunna, le fait qu'il doit être clair, il ne doit pas ressembler, il ne doit pas faire en sorte de ressembler aux gens de l'égarement. المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق يَقُولُونَ أَيْضًا إِنَّهُ كَلَمُ اللَّهِ. Et donc les Mu'tazila, comme on a vu tout à l'heure, ceux qui disent que le Coran, la parole de, que le Coran est créé, eux aussi ils disent que le Coran c'est la parole d'Allah. Et donc toi tu ne peux pas venir et dire le Coran c'est la parole d'Allah, puisque tu vas prononcer la même parole qu'eux, tu vas être comme eux. Voilà pourquoi, donc on a vu des paroles de ulama qui nous disent ils sont comme eux. Et même comme on verra tout à l'heure, Inch'Allah, ils disent ils sont pires qu'eux. Et donc, il est important que le sunni, le salafi, il soit clair. Tu es clair dans ta façon de parler, tu es clair dans ta façon de manger, tu es clair dans ta façon de respirer, tu es clair dans ta façon de marcher. Faut pas que ta façon de marcher, tu ressembles aux racailles. Faut pas que dans ta façon de parler, tu ressembles aux racailles. Faut pas que dans ta façon de parler, tu ressembles aux hizbi, aux moubtadia. Faut pas que dans tes fréquentations, tu ressembles aux moubtadia. Il faut que tu sois clair, comme le salafi. On avait déjà vu ici, plusieurs fois, dans Sahihay, Mu'adha, qui interroge Aïcha, radiallahu anha, en lui disant, « Mabalul ha'id, taqdis sam, wala taqdis salat. » Et donc Mu'adha dit à Aïcha, « Comment se fait-il que la femme menstruée, elle rattrape ses jours de jeûne, mais elle ne rattrape pas la salat ?» La femme qui a ses menstrues, lorsqu'elle se purifie des menstrues, elle ne va pas rattraper la salat. Et ça, c'était donc, cela faisait partie du madhhab, de la voie d'un groupe de khawarij, al-haruriya. Et donc Aïcha, lorsqu'elle a entendu cette parole, elle a entendu cette question, elle lui a directement dit, al-haruriyatun anti, est-ce que tu es haruriya? Elle lui a dit, la, lestu haruriyatan walakinni es'el. Non, je ne suis pas haruriya, mais je demande. Et à ce moment-là, Aïcha a répondu à sa question. Parmi les leçons de ce hadith, le fait que nous devons être clairs. Nous devons être clairs et ne pas faire en sorte de ressembler à un tel ou un tel parmi les égarés. Il est impératif que nous fassions en sorte que les gens de la sunna se distinguent des gens du faux. C'est très important. Afin que les gens puissent savoir qui sont ceux qui sont sur la vérité. Et afin que ça soit clair pour eux. وفي هذه الفتنة أن أهل الضلال يكيدون لأهل الإسلام يكيدون لأهل السنة. Il y a aussi dans cette fitna, la fitna de l'Waqifa, le fait que les gens de l'égarement rusent contre l'islam, rusent contre la sunna et les adeptes de la sunna. Pourquoi? El-Waqifa, ou du moins El-Mu'tazila, qu'est-ce qu'il faisait El-Mu'tazila? Comme on a vu précédemment, Al-Mu'tazila, il disait Al-Qur'anu kalamullah. Et donc, ils viennent avec une parole sur laquelle on est tous d'accord. Al-Qur'an kalamullah. Le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Personne ne va dire non, ce n'est pas la parole d'Allah. Et donc, il vient avec cette parole sur laquelle on est tous d'accord. Sauf que lui, ce qu'il veut dire par là, c'est que le Qur'an est créé. Mais il ne va pas te le dire comme ça. Il va te dire Al-Qur'an kalamullah. Et donc, il ruse. Il ruse pour égarer les gens. Et il se fait passer pour une personne qui suit la sunna pour pouvoir mieux égarer ceux qui l'écoutent. Et c'est pour cela qu'il dit, l'imam Rabi' hafidahullah, amthalu ha'ula'i fi kulli zamanin da'iman. Il nous dit, ces gens-là, on les trouve tout le temps, à toute époque. Kethirun minan nas yatadhaharu bi madhhabi ahli sunna. Beaucoup de personnes montrent ou se donnent l'apparence des gens de la sunna. Mais les gens de la sunna, quant à eux, ne se donnent pas l'apparence des autres mouvements. Ensuite, il continue. فَكَثِيرٌ فِي عَسْرِنَ هَذَا مَنْ يَكُولُ بِأَنَّهُ سَلَفِي ولكنه يكيد للمنهج السلفي وأهله بهذا الستار. Il y a beaucoup à notre époque qui disent qu'ils sont salafis. Cependant, ils rusent contre le manhaj salafi et ses adeptes en utilisant ce voile. Quel voile? Je suis salafi. Hein? Je suis salafi. Comme on a, je ne peux pas dire le nombre de chaînes sur Telegram, Twitter, etc. Salafi, salafi, salafi. Combien de fois des frères qui m'appellent? Ah, mon épouse, elle étudie sur tel majmoua, tel groupe, etc., etc. Est-ce que c'est des salafis? Oui, en fait, elles se disent salafis. Ah, elles se disent salafis. Voilà. Heureusement qu'elles n'ont pas dit que ce sont des moubtadi'a. Et donc, est-ce qu'on va trouver des gens qui nous disent qu'ils sont moubtadi'a? Et donc, oui, c'est normal que des gens se disent salafis, mais est-ce qu'ils le sont réellement? Le musulman, il ne doit pas être naïf à chaque fois. Ah, je suis salafi. Ou comme on entend maintenant, quelqu'un vient me dire, oui, il y en a un, il fait des vidéos, il dit que c'est un étudiant de Scherfhausen. Ah, un étudiant de Scherfhausen. Tous les étudiants de Scherfhausen, c'est des salafis. Tous les étudiants de Cheikh Abdel Mohsin, c'est des salafis. Tous les étudiants de Cheikh Rabia, c'est des salafis. Ça veut dire quoi, ça? Je suis un étudiant de Cheikh Foulen ou de Cheikh Foulen. C'est pas une tazkiya. Ce n'est pas une tazkiya. Et donc il faut, barakallahu fikoum les frères, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on arrête de tomber dans des pièges pour rien. Il faut qu'on fasse très attention. Ah oui, tel groupe de sœurs, c'est elle qui s'occupe de propager les durous de tel et tel prédicateur francophone. Ah d'accord. Et donc le fait qu'elle, elle propage les durous de tel et tel prédicateur francophone, ça veut dire qu'elle, ce sont les salafis. Eh bien oui, je pense que... Ah ok, d'accord. Quelques temps après, c'est les mêmes qui vont propager donc, les cours d'un shir inconnu, jamais vu, etc. etc. Alors, là on dit quoi ? Allahu alim. Les frères, il faut qu'on fasse attention. On ne va pas retomber à chaque fois dans les mêmes pièges. Et à chaque fois, il faut répéter. À chaque fois. On lit le livre d'un tel. Est-ce que c'est un salafi ? Ouais, écoute, ben, c'est du salafi. Ah ouais, tel site, c'est marqué salafi. Ou c'est marqué ilm shari. Si c'est ilm shari, ça veut dire que c'est forcément salafi. Ils traduisent des fatawas de Cheikh Ibn Baz. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on comprenne qu'il y a des gens qui rusent contre la sunna et les adeptes de la sunna. Et donc nous devons faire attention. Et donc il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikoum. Il continue, Cheikh Rabi', il dit « Fala budda an yatamayyaz, idha kana salafiyan min an yushabiha ahla ad-dalali wal bid'ah fi kalamihim wa mawaqifihim » كما كان موقف أسلافنا من أهل البدع والضلال يدعون المميزات للمؤمن الصادق من المبتدع الضال. Il dit donc, il est impératif qu'il y ait une distinction, qu'il se distingue s'il est salafi. Et donc s'il est salafi, il est impératif qu'il se distingue et qu'il fasse en sorte de ne pas ressembler aux gens de l'égarement et de l'innovation dans leurs paroles et dans leurs positions, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Ils mettaient des moyens de distinction afin qu'apparaisse clairement le croyant véridique et sincère et qu'il se distingue de l'innovateur égaré. Akhraj ibn Battah fil Ibana an Muhammad ibn Muqatil قال في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. Et donc Ibn Battah, il cite dans son livre El Ibana que Muhammad, avec la chaîne de transmission qui est authentique, que Muhammad Ibn Muqatil, il dit concernant le Waqifa, il dit pour moi, ils sont pires que le Jahmiya. El Jahmiya, le Mu'tazila, qui ont dit que le Coran est créé. L'imam Rabi', il dit aussi الآن بعض الناس ينتسبون للدعوة السلفية لكنهم عندهم منهج تمعيي. Et donc il nous dit à notre époque maintenant il y a des gens qui s'affilient à la da'wa salafia, cependant ils ont un manhaj de mumayya. Ici, je vais juste rajouter une petite précision à la parole du Cheikh Rabi'. Pour ceux qui ne savent pas, donc, Al-Mumayya, les gens qui ont du Tamyi'a, ce sont des personnes qui ont une pratique du Manhaj laxiste. Ils sont donc laxistes. Et ce sont donc des gens qui vont se dire salafi, en général, et qui vont en même temps fréquenter ou défendre des innovateurs ou des hizbiyoun, des sectaires ou alors des personnes déviantes de façon générale. Ils vont donc les fréquenter ou les défendre et ils vont être un peu avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle donc être tamir. Wa ha'ula mithlul waqifa akhtar min al mubtadi ala al manhaj al salafi. لأن هؤلاء يتأثر بهم الناس. Et nous dit, ces gens-là, ils sont comme Al-Waqifa. Ils sont comme Al-Waqifa. Ils sont plus dangereux que les Mubtadi'a concernant le Manhaj Salafi. Parce que ces gens-là, les gens, ils sont touchés par eux. Ils viennent en montrant une crainte pieuse, Al-Wara'. Ils viennent en montrant une crainte pieuse. Non, nous, on ne critique pas les gens. J'aime pas parler sur les gens, c'est de la médisance. Et je n'aime pas participer aux futilités. Je n'ai pas le temps. Il faut que j'enseigne le tawhid. Il faut qu'on enseigne ci, il faut qu'on enseigne ça, etc., etc. Et donc les gens sont leurrés par ça, par cette fausse piété. Ils sont leurrés par ça. Et certains vont commencer à penser que le jahr wa ta'dil est une science innovée. Et le Cheikh Rabi, hafidhahullah, il a aussi critiqué cela. Alladhina yatadhaharun bil wara' anil jahri wa ta'dil. Il a dit ceux qui montrent une crainte pieuse en délaissant le jahr wa ta'dil, la critique et l'éloge. Et aussi, il a cité donc la ressemblance qu'il y a entre eux et entre Al-Waqifa. Il dit, hafidhahullah, Al-Muslimun fi fitna wa ma'araka baynahum wa bayna ahli al-batil wa bayna ahli al-bid'ah thumma ya'ti hadha bayn. Il dit, les musulmans, ils sont dans une fitna. Il y a une fitna qui touche les musulmans. Ils sont dans une bataille contre ahli al-bid'ah, contre les gens de l'innovation. Et ensuite, toi, tu viens entre les deux, comme ça. Il est où ? Unsur akhak, zaliman aw mazlouman. Secours ton frère, injuste ou opprimé. Il est où le fait de défendre la vérité ? Lorsque tu vois un conflit entre les musulmans, quelle est la réaction que tu dois avoir ? Comment Allah tabaraka wa ta'ala nous oriente dans le Coran, dans ce sujet ? Allah tabaraka wa ta'ala nous oriente, nous montre la réconciliation. La réconciliation. On essaie de réconcilier les deux groupes. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Mais lorsqu'il y a un groupe qui transgresse concernant l'autre groupe et qui est injuste envers l'autre groupe, après qu'on a essayé la réconciliation, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Alors combattez le groupe qui est injuste jusqu'à ce qu'il se soumette à l'ordre d'Allah. On va arrêter pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue demain cette série de cours, bi'idhnillah. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.